إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. Vous entendez derrière? Vous entendez là? طيب. فلازلنا نتكلم عن الدعاء في الإسلام وأهمية الدعاء في الإسلام ومنزلة الدعاء في الإسلام. فتكلمنا في الخطب التي مضت معنا عن بعض أنواع المشروع المسنون في الدعاء. النوع الأول كان الدعاء بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. النوع الثاني كان الدعاء بعملك الصالح أيها الأخ، بعملك الصالح. Nous avons vu jusqu'à présent et on continue toujours de parler de la dua, de la place de la dua, de l'importance de la dua en islam. Nous avions vu lors des khutbas qui nous ont précédés quelques sortes d'invocations. La première était l'invocation avec les noms divins et ses attributs, qu'il nous était permis d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala avec ses noms et ses attributs. La semaine dernière, nous avons pu commenter la deuxième sorte d'invocation qui était avec les bonnes actions que l'on faisait, que chacun de nous faisait, et non pas avec les bonnes actions d'autrui. أما اليوم سنرى في خلال هذه الخطبة الدعاء من طرف رجل صالح. اليوم نتحدث على الدعاء بسبب رجل صالح. أيها الأخ وأيتها الأخت، كي تحب تدعي يجوز لك باش تروح تشوف رجل صالح وتقول له ادعو لي، ولكن بشروط. ولكن هناك بشروط، ماشي غير اللي يجي نقولوا بلي هذا راجل صالح نروحوا نطلبوا منه الدعاء، ماشي هذا لا. Aujourd'hui nous allons commenter donc cette troisième khutba qui est la permission de demander l'invocation à un homme pieux ou une femme pieuse bien sûr. Mais il y a des conditions. Il y a des conditions. C'est pas on croit que c'est un homme pieux, c'est-à-dire que c'est un homme pieux, c'est bon, alhamdoulilah. C'est pas comme ça que ça se passe. Na'am. Wa du'a qulna yani min asma' ad-du'a at-talab, at-tawassul, al-qasd. Ce sont des synonymes de la du'a. Al-shart al-awwal. Al-shart al-awwal an yakuna hadha ar-rajul as-salih al-mu'min bi-idhnillah at-taqi. La première des conditions pour demander l'invocation d'un homme pieux ou d'une femme pieuse, il faut qu'elle soit croyante, c'est normal, pieuse, c'est normal, mais qu'elle soit vivante cette personne-là et non morte. Il faut quoi? Qu'elle soit vivante. إِذَا كَانْ هَذَا الْإِنسَانِ يَتَطْلُبْ مِنُ الدُّعَى مَيِّتْ فَهَذَا لَا يَجُوزُ لَكَ. فهذا هو الشرك بعينه. ونرى في بلداننا في بلاد الإسلامية العربية في المقابر أمام الجبب أمام القبور يدعون الأضرحة يدعون الأموات، لا يدعون للأموات، لا يدعون للأموات، يدعو الأموات. Dans nos pays, les pays musulmans et les pays arabes, même les pays africains musulmans, si on va dans les cimetières, on va s'apercevoir de l'ignorance des gens. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se demandent aux morts. Devant les tombes, il y en a qui tournent autour des tombes. Il y a toujours la hawla al-qubur. Il y en a qui yizbahouna lil-amwat. Il y en a qui s'égorgent pour les morts. Une femme stérile qui ne peut pas avoir d'enfant, elle va, tatamassah bil-qabr. Ou elle dit, ya shikh fulan, ya shikh fulan, arzakni l-walad. A'ouzou billah. La femme qui est stérile, elle demande, en s'essuyant devant la tombe, elle passe comme ça, donne-moi un enfant, donne-moi un enfant. Et elle a oublié Allah subhanahu wa ta'ala. Il y en a qui s'égorent pour le mort. Il y en a qui font des veillées nocturnes devant les tombes. Et en plus de ça, la chose la plus grave, يَخْتَلِفُونَ رِجَلًا وَنِسَاءً. Il y a l'irtilat, la mixité. Et ça danse, et ça chante, et ça mange. Ou l'umrat neggez, ou rajul neggez, ou yghanni, ou farhanin, ou gulik, hada d'din. Hada d'din, hada? Hada mashi d'din, hada. Hada l'a'b. Ça, c'est pas d'din, ça. Hayyin la majitan. Chart al-awul, yikun hayy. Ida kan mayit, ma tad'aish. Hnaki gulna, yid'ouna, للأموات أو يدعو الميت. وش معناتها؟ يروح يشوف الميت يقول له أنت راك ميت وأنت راك في عالم آخر وأنت راك أمام الله، أنت رجل صالح، أنت متقرب إلى آخره، اشفع فيها مثلا. هذا لا يجوز. أما أنت تجي قدام القبر، وهذا ليس بشرط، هذا ليس بشرط أن تدعو له، اللهم اغفر لهذا الميت، اللهم ارحم هذا الميت، اللهم ونسه في قبره، اللهم وسع قبره. Que tu demandes à ce mort, oh donne-moi, toi tu es mort, tu es plus proche de moi qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ça y est, tu es parti dans l'autre monde et nous on est encore sur terre, donne-moi ou intercède auprès d'Allah pour moi. Hada la yajouz, c'est pas permis. Mais de faire des du'as pour ce mort là comme oh Allah fais le miséricorde dans sa tombe, illumine sa tombe, pardonne-lui ses péchés, hada la yajouz. Walakin ليس شرط أن تذهب إلى المقبرة لتدعو للميت. Ce n'est pas une condition d'aller jusqu'au cimetière pour faire la dua pour un mort. Ici là, chez toi, في الطريق. عندك بابك توفى ولا يماك ولا جداتك ولا جدك ولا جدك توفى. ولا ولدك ولا أخوك ولا أختك ولا بنتك. أنت تمشي في الطريق تذكر شو يا رب العالمين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر استغفر الله مثلا. وتذكر هذا الميت. وتقول اللهم ارحمه. الله مغفر له. طب الدعاء مباشرة يروح لهذا الميت. الدعاء على كتفي فيه. البديع كم وش الموع. tu n'es pas obligé d'être devant le mort pour faire cette dua là. de l'endroit où tu te trouves. oh Allah fait le miséricorde. Allah s'en fait le miséricorde بإذن الله. c'est pour ça que ceux qui vont à la Mecque, اللي يمشوا المكة للحج ولا للعمرة, que الناس يقولوا ما تنساش كي تكون أمام النبي صلى الله عليه وسلم سلمنا عليه. يقولوا سلمنا عليه. سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وانت في هذا المكان الذي انت فيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ماشي شرط ان تقول له كي كنت ما سلمنا عليه. ايوا ما انت ما تسلمش عليه في هذا المكان راه فيه. De l'endroit où tu te trouves, tu peux faire les salutations sur le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. Tu n'es pas obligé de dire comme certains font, mais ça c'est par ignorance et on ne leur en veut pas. On ne leur en veut pas. Mais quelque part on leur en veut quand même. C'est que l'ignorant, il doit demander. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان و يعني صنفه صنفين. العالم يسأل والجاهل يسأل. Le savant, c'est lui qu'on interroge. Et l'ignorant, c'est lui qui interroge. Alors nous, on est une de ces deux catégories. Ou on est un savant, les questions arrivent, ou tu es un ignorant, c'est toi qui poses la question. Mais tu ne peux pas être les deux en même temps. Tu ne peux pas être savant et ignorant en même temps. C'est où savant et ignorant? En bas, celui qui est ignorant, il doit poser les questions. Il doit poser des questions. Ma tarash hada min dinik, ma tahshams. Essal alayha. Pose des questions. Hna wulufna al-hashma hadi bizzaf. Walakin, mih al-hashma. Walakin, goulou, l'insan yis'al an dinu. C'est hudud, al-qadr. Dans les limites du respect. On ne dit pas de poser n'importe quelle question, n'importe comment, sans respect. Non, pose tes questions, mais sache comment poser tes questions. Mater Hachim, à tes Hachim, à même un nez. جيب هذاك اللي يعرف قدامك انت وياه فيه في الكول هي وقول له si tu as envie de poser des questions devant les gens prends-le à part si moi j'ai une question personnelle j'aimerais bien te la poser kada kada ما تحشمش ما تحشمش حي لا ميتا il doit être vivant et non mort. La deuxième condition, أن يكون حاضرا لا غائبا. Il doit être présent. La personne à qui tu vas demander de te faire des du'as, elle doit être présente. Elle ne doit pas être absente. نعطيك مثال انت عندك واحد صاحبك تعرفه تقي الله انسان مؤمن باذن الله هو يسكن في بوردو واسمه محمد كما يسأل؟ يسأل محمد سي كلكان كو تي كوني سان اون فيو باذن الله ولا نزكي على الله احدا تي كوني تو سا الى بوردو et tu fais ya cheikh Mohamed il est vivant il est pas mort il est vivant hay ya cheikh Mohamed ادعو الله لي باش ربي يشفيني هذا شرك بالله pourquoi parce qu'il est absent il t'entend pas il est loin de toi واحد هو الهي في مكان الوضوء تقول له ادعي لي وموش يسمع فيك هذا لا يجوز il doit être présent s'il est pas présent tu ne peux pas lui demander la dua. Mais qu'est-ce que ça veut dire aussi « hadiran » « la ghaiban » Si maintenant tu l'appelles au téléphone, adajaïs, tu lui écris une lettre en lui disant « n'oublie pas de me faire des du'as » adajaïs, ça c'est permis. Mais quelqu'un qui n'est pas présent et que tu lui demandes des invocations comme ça, adalayajus. Troisième condition, et des conditions on en a beaucoup, mais ça ce sont les plus importantes. Troisième condition, « an yakuna qadiran la ajiza » Il doit être capable, dans la capacité de répondre à cette invocation. Non pas incapable ou impuissant. S'il est impuissant, tu ne devras pas lui demander. Et ça, c'est valable aussi pour une personne qui a besoin de l'aide. Je te donne un exemple. Tu as un camion de ciment, de 100 sacs de ciment à descendre. Ton frère y passe, tu fais arwa awulni. Adama chez Cheikh Billah. Tu lui as demandé de l'aide. Tu lui as pas demandé de l'aide. Tu lui as demandé de l'aide. Goutou aouni le ma'aounish. Aouni. Adalay sabi shirk. Ça, c'est pas de l'association avec Allah. Au contraire, tu as demandé de l'aide à un frère qui peut rendre ce service-là. Par contre, si tu lui dis, tu vas voir le docteur, c'est un frère, c'est un docteur, mashallah. C'est, yahi tabib, shirk, anta alhamdulillah, gda. Eshfini. C'est un docteur pourtant. Eshfini. Il ne peut pas. Donne-moi la guérison. Il ne pourra pas te guérir. Il est incapable. Al-Shafi huwa Allah. Wallah biyashfi, c'est tout. Le docteur, c'est la cause. Tu vas le voir, c'est normal. On ne dit pas comme certains veulent nous faire croire que ah non, il ne faut pas demander au docteur. Docteur, il ne faut pas demander. Ça veut dire que tu doutes sur la capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Arfa yidayk wa qul ya Allah yashfini wa matrash tshuf sabil. Hada al kalam hada al juhal. Quelqu'un qui parle comme ça, c'est un ignorant voulu. Subhanallah. Comment tu peux avoir le docteur? Mouchikoun, ikoun qadirun la ajizun. Naam. Fahuna, idha alammat bil insani baliyatun, ou bil ummati da'iqatun, wa ahassa bi nafsihi taqsiran, مع الله سبحانه وتعالى بذنوب وقع بها فيشرع في حقه الذهاب إلى رجل صالح ليدعو الله له بأن يفرج عنه هذه المصيبة التي نزلت به. Il est permis, donc, comme on vous l'a dit, quand tu es atteint d'une épreuve ou d'un malheur ou d'un fléau qui t'a atteint à cause d'un péché que tu aurais pu faire. Parce que les péchés qu'on voit, les problèmes qu'on voit dans la communauté, هذا إلا بما كسبت أيدينا. Ça, c'est à cause de nous-mêmes. C'est à cause de nous-mêmes. Faut pas croire que toutes les épreuves qui arrivent dans le monde musulman, c'est à cause des gens à droite, à gauche. C'est à cause de toi. Quand tu as un problème à la maison avec ta femme, avec tes enfants, dans ton boulot, dans ta santé, dans ton argent, dans ton bien-être, c'est parce que refais-toi une remise en question. Dis-toi que j'ai dû faire un péché quelque part. Et Allah subhanahu wa ta'ala, يطهرني قبل مماتي. Il est en train de me purifier avant ma mort. J'ai fait quelque chose qui n'était pas bien. J'ai fait un péché, j'ai fait quelque chose de mal. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala m'a éprouvé. C'est pas la faute du voisin, c'est de ta faute à toi. Donc, ceci dit, quand on a un problème quelconque, il est permis d'aller voir un homme pieux ou une femme pieuse, pour les femmes éventuellement, ou bien même pour un homme, de demander à une femme, mais toujours avec les conditions qui sont citées dans le Coran et dans la sunna du prophète, alayhi salatu wasalam. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, quand vous voulez vous adresser aux femmes, وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. Quand vous voulez demander une chose à une femme, demandez-lui derrière un voile. C'est pas la femme, elle sort avec mutabarrija amamak, toute dévêtue, et toi tu lui demandes, mais non, allez, j'ai dit, urti fillah, ou un anouit ghir al-khir. Al-khir, ma chie, hagdak, habibi. Le bien, c'est pas comme ça qu'il se fait. Al-khir, andou bawabit, andou shurut. Il a des conditions pour faire le bien. Et qui te dit que c'est un bien que tu es en train de faire? Hal araft al-khir an tariq al-Qur'an wa sunnah? Est-ce que tu as su le bien selon le Coran et la Sunna? Wa asa an tuhibu shay'an wa huwa sharrun lakum. Et c'est pas que vous aimez une chose ou vous voulez une chose et qu'il y a un mal derrière vous, derrière ceci. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum. Et c'est pas que dans un mal que vous croyez qu'il y a un mal, il y a un bien. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il sait le bien, il est où? Il sait votre bien, il est où? Et vous, vous ne savez pas. Donc nous, notre notion, elle est toujours puisée du Coran et de la Sunna. On ne fait pas les choses à l'aveugle, à l'aveuglette. On fait les choses. إِذَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ وَفِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَشْرُوعَةِ هَذَا الْحَجَّ اللي حبينا نديروها نديروها وإلا ما نديروهاش. مش نقول لا حبينا نتقرب إلى الله. راك تبتعد من الله. راك تبتعد من الله. إياك. Il y en a qui vont dire, oui, mais moi j'ai voulu me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que j'ai voulu. Alhamdulillah, tu avais une bonne niya. Mais la niya, elle ne suffit pas, l'intention ne suffit pas toute seule. La bouddha min al-mutaba'a lima ja'a bihi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Na'am. Waqad hadathat 'iddatu waqa'i'a min fi'l as-sahabati al-kiram ridwanullah alayhim fi 'ahd an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ba'da wafatihi minha ma rawahu Anas ibn Malik radiyallahu anhuma. Et donc si on voit, parce que comme on vous l'a dit, نحن أمة البرهان, نحن أمة الدليل, نعبد الله على دليل, نعبد الله بدليل من الكتاب, بدليل من السنة. On adore Allah subhanahu wa ta'ala avec des arguments, avec des preuves à l'appui. On n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala comme ça, comme on le veut. On adore Allah subhanahu wa ta'ala avec ce qu'on trouve dans le Coran et avec ce qu'on trouve dans la Sunna. Mais aujourd'hui, je ne vais pas dire malheureusement, parce que, alhamdoulilah, en islam, il n'y a pas de malheur. Mais vous allez me comprendre. Quand je dis malheureusement, aujourd'hui, on est obligé de puiser nos dalils du Coran et de la Sunna. À l'époque du prophète, alayhi salatu wasalam, ils avaient Rasulullah, alayhi salam, ma'ahum. Rasul Aish, ma'ahum. Mais yahtaj. Wahid andu mushkila, il rahi shufar nabi. Ya Rasulullah, ikhbirna. Ya Rasulullah, ana andi hadi mushkila. Ya Rasulullah, qulli ana kada wa ana kada. Comme il dit, il y a un hamu lil Rasul, alayhi salam. Ou Rasul yasbar. À l'époque du prophète, celui qui avait un problème, il allait voir le prophète, directement. Mais nous, il n'est pas là, le prophète. Il n'est pas là. Qu'est-ce qu'il nous reste pour revenir à la religion? Il nous reste le Coran et sa Sunna. Donc, on est obligé de revenir au Coran et à sa Sunna. Mais une fois de plus, il faut comprendre une chose. Avec quelle compréhension? Avec quelle compréhension? Des ayfem? Avec quelle compréhension? Avec la mienne? Avec la tienne? Non. Avec la compréhension de Omar, avec la compréhension de Abu Bakr Siddiq, avec la compréhension de Uthman, de Abdullah ibn Mas'ud, de Anas ibn Malik, radiallahu anhum. Avec cette compréhension-là. Qui fait fahmu le Qur'an, huma? Qui fait fahmu le sunnah? Fahmu hakada? N'tab'u qui fait fahmu, huma? On suit comme eux, ils ont compris. Na'am. Donc dans ce hadith-là, il nous dit, قال donc, أصاب الناس سنة سنة عفوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر قائما في يوم الجمعة دخل عربي من أهل البدو. Un jour, le prophète عليه الصلاة والسلام, il était en train de prêcher, كان يخطب فوق المنبر, الجمعة, et il y a un bédou de la campagne. Il est venu comme ça, il est rentré dans la mosquée, il était en face à face. Taqarrabu ila al-amam, barakallahu fikum. Taqarrabu ila al-amam. Rapprochez-vous un petit peu. Rapprochez-vous, barakallahu fikum. Donc, il est rentré, il استقبل النبي صلى الله عليه وسلم. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors que le prophète عليه الصلاة والسلام, il était sur le minbar. لهذا هنا عندما نقرأ الحديث لازم الانسان يدبر الحديث او الآية. Il دبر, il doit méditer sur le verset ou sur le hadith qu'il lit. وتستنبط منه احكام وحكم وامور. Ici, dans ce hadith-là, on va s'apercevoir de beaucoup, beaucoup de choses. La première des choses, c'est que cette personne qui vient de rentrer dans la mosquée, elle va s'adresser au prophète, alayhi salatu wa salam, alors qu'il est en train de faire une khutba. Il est en train de faire quoi, le prophète, alayhi salatu wa salam? Une khutba. Où est-ce qu'il est? Il est en train de faire une khutba. Il est en train de faire une khutba. Il est en train de C'est pour ça que des fois, il est permis, il y a juz, les ma'moumines, ceux qui sont ici présents, si l'imam il fait une erreur, si l'imam il fait une erreur, il est permis pour un ici présent qui a la science, il rectifie l'imam. Il fait yashir la khalat fi hadi, ghir sahaha bi hadal kalam ou la hadil aya ou la hadal hadid. Bes mon khalouch il klam yimchi. L'un tout mal khouach d'air kumtu sulwa hadarka. Roubama tkharjoua m'akum d'ab sala. Fa'ulala. Il vous est permis, si l'imam il fait une erreur, de rectifier. Voilà qu'il hana jahal li khalana mandiru jadal omour. C'est l'ignorance qui nous a. On dit tellement en erreur que des fois on voit l'imam, il fait des grosses erreurs et on ne dit rien. Pourquoi? Parce que le kanna hadrou ma'a. Il lui a dit bel amoud hada. Eh oui. Si on ne le rectifie pas, lui va dire une erreur. Les gens qui ont écouté cette erreur, ils vont partir et puis ils vont propager cette erreur-là. Pour deux raisons. Ou parce que si quelqu'un dans l'assemblée parle, l'imam il va le regarder d'un air. Je connais un avec Fatsa Parliya. Un akrit ajin sanatin zanajit Fatsa Parliya. Pourquoi? Parce qu'il a de l'orgueil dans son cœur. Alors il va dire quoi? Moi j'ai étudié pendant 20, 30, 30 ans, lui aujourd'hui vient me dire ce que je dois faire. Un scot, il va lui dire. Et ça, ça s'est vu. Ça s'est vu dans des mosquées où l'imam il a fait une erreur et des graves erreurs. Quand il y en a un qui lui a fait la rectification, il a regardé dernier, il a dit un scot. Tu vois l'orgueil ce que ça fait? Tu vois l'orgueil ce que ça fait? Ou bien la deuxième des raisons, il se peut que quelqu'un va parler, mais ceux qui sont autour de lui vont dire un scot, un talina mo yartob. C'est permis. Si l'imam il fait une erreur, s'il oublie quelque chose, il oublie quelque chose de très important, tu peux. Voilà qui est une bonne mesdames. Bilihtiram. Avec le respect. C'est pas tous on commence à crier. Tous on commence à parler. Non, il y en a un qui parle. D'accord? Barakallahu fikum. Donc ici, na'am. دخل أعرابي من أهل البدو من باب كان وجاه المنبر. Donc en face du prophète عليه الصلاة والسلام. نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال يا رسول الله. Il a interrompu donc. Il a fait faire s'arrêter dans la khutba et il lui a dit يا رسول الله au messager d'Allah. هلك المال وجاع العيال وفي رواية هلك الكرم الكرع وهلك الشاه وفي رواية أخرى هلكت المواشي وانقطعت السبل فادعوا الله لنا أن يسقينا فرفع يديه يدعو حتى رأيت بياض إبطيه اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. Dans ce passage là on voit ici que ce bédou, un agriculteur, un fermier, un paysan, il demande au prophète alayhi salatu wasalam d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que la sécheresse elle est là. Il n'y a pas eu de pluie pendant longtemps. Les bovins et les ovins, ils ont besoin, ils n'ont rien à manger, ils n'ont rien à boire. Vous savez comment ça se passe dans les pays chauds quand il y a la sécheresse. Donc il a demandé au prophète alayhi salatu wasalam de faire un dua. Le prophète alayhi salatu wasalam il a monté les mains comme ça. Jusqu'à qu'ils ont pu voir les blancs de ses aisselles. Jusqu'à qu'ils ont pu voir le blanc de ses aisselles. Madar shi'a les du'a wa khfizak dak. Non. Mam ya akhi al-karim barakallahu fik. Kitad'u Allah. Arfa yidik. Nous disons, choufou l'nas. Ils font des du'a. Yid'u Allah, qui fait yidiru? Hom jaltin, matalan. Yidiru al-dak. Hadi du'a hadi? C'est ça comme ça la du'a? La du'a! Lève tes mains devant Allah. Estahiyya même Allah. Demande Allah. Lève tes mains en haut. Mais dis-la des du'a. Ou rak choufin nas Allah maghfir lana Allah ma kada Allah ma choufin nas. Ou dis tarfait tabatik ou salam alaykum. Non ya akhi. Ta'adda ma Allah. Rak tu t'lab shkoun. Rak tu t'lab khaliqik. t'es en train de demander à ton Créateur. Sois modeste devant ton Créateur. Lève les mains. Ya Allah. Ebki amam Allah. Ma tebkish amam al-nas. Khalli al-nas yqulu wach yqulu. Ebki amam Allah. Pleure devant Allah subhanahu wa ta'ala. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Irfa yedaka. La tastahi. N'aie pas honte de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, le prophète alayhi salatu wasallam a levé les mains jusqu'à que le blanc de ses aisselles a été vu. Et qu'est-ce qu'il a dit à Allah? Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Fais-nous descendre la pluie. Fais-nous descendre la pluie. وَرَفَعَ النَّاسُ مَعَهُ أَيْدِيهِمْ يَدْعُونَ وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ حَوَّلَ رِدَاءَهُ وَلَا اسْتَقْبَلَ. Dans l'état où il se trouvait, le prophète alayhi salatu wasallam, il n'a pas perdu de temps. مَا دَيَّاش وَقْتُهُ فَأَلَهُ السَّائِلُ أَجَابَ بِالْمَسْأَلَةِ. أما احنا إلا من رحم ربي منا احنا ما مرناش نعيبوا في الناس. ولكن يا أخي الكريم كي يجيك واحد يسألك في مسألة أنفذ الأمر تقرب إلى الله اختارك انت شوزي une personne elle vient elle te demande quelque chose une question un besoin une aide ne perds pas de temps ne réfléchis pas est-ce que c'est bien ou c'est pas bien parce que si tu réfléchis Shaitan il va rentrer ou il va s'ouslik ou il va te dire c'est le manfa'a l'yakouf ou le rasoul sallallahu alayhi wa sallam il y a qu'il من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. Que celui qui peut venir en aide à son frère, qu'il le fasse. Ne perds pas de temps, Shaitan, il va rentrer. Après, il va dire, ah non, lui, ça se trouve, il n'est pas dans le besoin, ou il dit, fais ça par l'IA, ou il goulé, ou a gagné, ou a kada, ou a kada. Ou avec le hadam, il va dire, halouche. Le prophète, alayhi salatu wa salam, mubasharatan, tout de suite, il a interrompu sa khutba, il s'ajada les doigts à khir. Tout de suite. Il a demandé donc. Et les gens ont suivi le prophète, alayhi salatu wa salam. نعم. Après, on continue ici. والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة. قزعة, c'est un groupe de nuages ensemble qui a commencé à arriver. ولا شيء ما بيننا وبين الصلع. صلع, c'est une montagne, une petite montagne à المدينة. من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة. Après, il a même pas eu le temps de terminer sa dua que derrière. Derrière le prophète, et vous savez bien que la mosquée du prophète, avant la mosquée actuelle, on sait comment elle était, la mosquée du prophète, elle était faite avec de la terre, et ils n'avaient même pas ce jada, ils n'avaient pas de tapis, tout ça. Kana yasjuduna ala turab. Ils se prosternaient sur du turab, de la terre, à tel point que quand ils se relevaient, ils avaient des grosses taches de terre ici. Et quand il pleuvait, c'était quoi le toit? C'était des feuilles de palmier. Quand il pleuvait, l'eau rentrait dans la mosquée. Subhanallah. Donc, ils ont pu s'apercevoir ce qui était face au prophète, alayhi salatu wasalam, que derrière le prophète, alayhi salatu wasalam, un gros nuage commençait à arriver. Un petit groupe de nuages comme ça qui commençait à arriver. Il n'a pas encore terminé sa dura. Naam. Alors, après, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, فَلَمَّا تَوَسَّطَتْ السَّمَاءِ انْتَشَرَتْ ثُمَّ أَمْطَرَتْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ما وضعها حتى سار السحاب أمثال الجبل ثم لم ينزل من منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. شوف ما زال ما نزلش من المنبر اشتهي تنزل واللحية تاعه وتعمرت بالماء تاع المطر. Il est pas encore descendu du minbar que la pluie, elle est en train de gronder, les nuages en train d'éclater de tous les côtés, la pluie, elle tombe, machallah. Et quand, avant de descendre du minbar, la pluie, elle mouillait la barbe du prophète, alayhi salatu wasalam. Tayyib, had al-Arabi, ce bédou, ou ce bédouin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé au prophète, alayhi salatu wasalam, de son vivant. Il n'a pas demandé après, il n'a pas demandé à quelqu'un d'autre. Il est venu, tasabbaba. تسبب اتى عند النبي صلى الله عليه وسلم وساله مباشره. De son vivant, il a demandé au prophète عليه الصلاه والسلام. Il est venu le voir. Il aurait pu être dans son champ et puis dire يا رسول الله ان كنت تسمع فاسمع جيدا. شوف واش راه كاين. ادعو الله لنا. Il aurait pu faire ça, le prophète عليه الصلاه والسلام, ce paysan. Il aurait pu dire يا رسول الله. Le prophète, il n'est pas là, hein. Il n'est pas là. Et il lui dit, oh messager d'Allah, si tu m'entends, bah écoute-moi bien, regarde. Parce que c'est comme ça qu'ils parlaient les bédous avant. Avec respect, mais c'est comme ça, tu vois, c'était des gens rudes, des gens, c'est comme ça, les fermiers sont comme ça. Il aurait très bien pu dire ça. Non, il s'est déplacé, il est venu jusqu'à la mosquée du prophète alayhi salatu wasalam, il a vu le prophète alayhi salatu wasalam, il a fait sa demande devant le prophète alayhi salatu wasalam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ثم أبا بعد تقربوا قليلا بارك الله فيكم غطشوا encore un petit peu بارك الله فيكم faites de la place, tirez les rangs et on arrangera inshallah les rangs à la fin de la khutbah avant la prière inshallah. Comme le temps ne me permet pas de continuer ce que je voulais dire, je vais résumer en une phrase la deuxième partie de ce même hadith là. Dans ce même hadith-là, il a plu pendant une semaine. Pendant combien ? Usbu'. Usbu' kamilan. Waya ishtatanzil alayhum. Il pleuvait. Tous les jours, il pleut pendant 6 jours. Donc du vendredi au vendredi. Ce même bédouin, ou bien un autre, parce que c'est ce qui est ramené dans la version. Alors qu'est-ce qu'il dit au prophète, alayhi salatu wasalam ? Il dit, ya Rasulallah. La même chose, la même histoire. Alors, celui qui rapporte le hadith, il ne sait pas si c'était le même bédouin ou bien un autre. Il dit, ya Rasulallah, invoque pour nous Allah subhanahu wa ta'ala de stopper cette pluie-là. C'est fini. Il y a eu trop d'eau. Il y a eu trop d'eau. À tel point que les rigoles, les canaux, les siphons de la Médina, elles ont été remplies. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de stopper. Le prophète, alayhi salatu wasalam, quand il a vu ça, il a rigolé. Tbassam, fra. Il a souri. Il a fait la doua à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il a dit donc? Il dit Allahumma hawalaina wa la alayna. Fais partir cette pluie. Maintenant, ça y est, alhamdulillah, tu nous as donné ce qu'on avait besoin. Fais partir cette pluie-là. Et il a demandé que Allah subhanahu wa ta'ala, que cette pluie-là aille sur les montagnes, sur les vallées, sur les collines, dans les rivières, dans les forêts. Et alors, ici, il rapporte Anas, il dit que quand nous avons regardé ces nuages, ils se sont dissipés. Ils sont partis à droite, à gauche, et la Médina a retrouvé donc un temps agréable, ensoleillé. Et ils sont sortis de la mosquée, donc en marchant tranquillement, en plein soleil. Ça, c'était pour le premier hadith. Un deuxième hadith qui est très important, c'est pour ça que je veux en parler maintenant, c'est le hadith qui est aussi rapporté par Anas. Le hadith, كذلك مروي عن Anas, قال أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا الحديث على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وش يقول؟ كان إذا قحط استسقى بالعباس ابن عبد المطلب. العباس كلكم تعرفونه وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم. العباس سي لونكل دو بروفيت عليه الصلاة والسلام. راحوا شافوه وطلبوا منه، لأن ليش؟ العباس رجل صالح، العباس سي ان امبيو. سي ان امبيو. الوغ سا سو حديث لا إلي أبخي لا مور دو بروفيت عليه الصلاة والسلام. كونت إذا في دي مومون دو سيشخاس عمر بن الخطاب إلى لواء عباس رضي الله عنهم أجمعين. وش يقول له؟ يطلب من الله، يقول اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم. أو الله on demandait ton l'intercession de ton prophète محمد صلى الله عليه وسلم، que tu intercèdes يا الله pour nous par l'intermédiaire de ton prophète عليه الصلاة والسلام. فتسقينا، alors tu nous donnais la pluie. وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فسقنا قال فيسقون. Et maintenant nous te demandons par l'intermédiaire donc de l'oncle du prophète عليه الصلاة والسلام de nous faire descendre la pluie. طيب, il y en a, ils n'ont pas compris ce hadith là. C'est pour ça que des fois quand on te dit, vous avez peut-être remarqué quand je parle des fois je dis hadal jahl, c'est l'ignorance qui fait ça. Il y en a très bien qui pourront me dire oui mais des fois c'est pas que l'ignorance. Des fois, c'est aussi l'incompréhension des textes. Ma femme sur l'ayah ou ma femme sur le hadith. C'est pour ça que hakam kada bi kada wa kala ila khiri. Mais à la base, c'est quoi? C'est l'ignorance. S'il n'avait pas été ignorant, il aurait compris le verset, il aurait compris le hadith. Mais comme il a été ignorant, il n'a pas compris. C'est vrai que des fois, l'incompréhension des textes, regarde où ça t'amène. Na'am. Wa ma'na qawlu Omar radiallahu anhu annahu عنه إنه كان نتوسل إليك بنبينا وإننا نتوسل إليك بعم نبينا. ما معنى هذا الكلام؟ إننا كنا نقصد نبينا صلى الله عليه وسلم ونطلب منه أن يدعو لنا. Quand on dit qu'on a natawassalu bika, binabiyika, c'est pas dire que de la mort du prophète alayhi salatu wasalam ou de son vivant mais qu'il ne soit pas présent, ils demandaient. Non, ils allaient le voir et lui disaient ya Rasulallah, ad'u Allah lana. Ils allaient le voir et ils disaient ya Rasulallah, ad'u Allah lana. Ils allaient voir le prophète alayhi salatu wasalam et qu'est-ce qu'il lui disait? Il lui disait invoque Allah pour nous. C'est ça que ça veut dire. Mais il y en a beaucoup qui ont mal compris. Ils ont dit ah non, comment vous dites que tawassul bi jahin nabi sallam la yajuz kada kada. Hein, regardez. C'est pas ce que ça veut dire. Na'am. Wa nataqarrabu ila Allah bi du'a'ihi wal an. Et maintenant que le prophète alayhi salatu wasalam est parti, wa qad intaqala sallallahu alayhi wasalam ila ar-rafiq al-a'la, lam ya'ud bil imkan, il ne peut pas, il est parti le prophète alayhi salatu wasalam. Huwa fi 'alamin akhar. Na'am. Alors qu'est-ce qui se passe? An yad'u lana فإننا نتوجه إلى عم النبي صلى الله عليه وسلم أي نقصده بمشينا إليه العباس ونطلب منه أن يدعو لنا. Et maintenant que le prophète عليه الصلاة والسلام مات وراح, نروح نشوف عمه ونطلب منه, نقصد الدعاء منه. هذا هو المفهوم من الحديث. C'est comme ça qu'on doit comprendre le hadith. C'est du vivant. نعم. وليس معنى التوسل أنهم كانوا يقولون في دعائهم. Et le maqsoud, le but de cette dua, c'est pas qu'ils disaient Allahumma bijahi nabiyyina asqina thumma asbahu yaqulun ba'da wafatihi sallallahu alayhi wa sallam bijahi al-abbasi asqina. Là on n'a pas vu. On pourra regarder tous les hadiths que vous voulez, si ce sont des hadiths sahih, bichart, à condition que ce sont des hadiths sahih. On n'a pas vu dans un hadith que les compagnons ils ont fait ça après la mort du prophète alayhi salatu wasalam, qu'ils ont demandé au prophète alayhi salatu wasalam ou à Romiyyid alors qu'il est mort. نعم لأن مثل هذا الدعاء ليس له أصل في الكتاب ولا في السنة الثابتة ولم يفعله أحد من السلف الصالح رضوان الله تعالى عنهم. على كل حال الوقت ما يكفيناش بس نزيد نكملوا ونجيب العبار والأمثلة الباقية. فأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم عدنا ورجعنا إلى دينك الأصيل, إلى دينك كما شرحته لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم, الكتاب والسنة على فهم سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.